Allez hop! Il est loin le temps, vous voyez Bertrand. Depuis que sa femme est partie, il vit plus comme avant. Oh, ce qu'elle était belle la Gisèle, quand elle balançait ses cheveux dans le vent. Elle clignait des yeux comme une hirondelle, battait des ailes. Mais elle est partie, maintenant, elle s'est envolée, droit devant. Le chant d'un oiseau n'est pas éternel. Il est loin le temps de la douce étreinte. Voici venu le temps des cris et des craintes. Bertrand hurlait, pleure sans s'arrêter. Dans cet océan de larmes, c'est sûr, il va se noyer. Il aura beau battre des ailes, personne n'entendra ses plaintes. Car il est tout seul, maintenant, il va s'endormir doucement. Le chant d'un oiseau n'est pas éternel. Le chant d'un oiseau n'est pas éternel.